l'agonie, livre 2, chapitre 11. Un éclat de trompette, un bruit de portes de bronze roulant épaissement et des pas de chrysaspides frappant de piques d'or les mosaïques polychromes. Une impérieuse voix de femme et, dans un éblouissement de pourpre, Sémias poussant de son bras nu la draperie qui laisse passer un grand flot de vivante clarté. Sémias avec, flottant sur le corps et fixé à l'épaule, la palla rouge sur la stola jaune aux bordures de perles brochées, et des sandales aux cordons montant haut dans un rayonnement de broderies et des gemmes éclairantes. Sémias qui s'avance vers Attilius debout devant elle, non en une attitude humble de sujet, mais les bras croisés, la tête fixe, pendant qu'au fond du palais se traîne, mourante, la musique des trompettes au rythme barbare de mélopées répétées. N'est-ce pas, Primicerius, que le salut de l'Empire l'exige, cette mort? Ce salut du fils rayonnant dans l'impériala peut sombrer dans la montée de conspiration coulant des mains adroites de Mamméa. Et quoi, je l'aurais mis au monde pour le vouer à la pierre noire? J'aurais partagé avec lui et pour lui, les dangers des batailles et les dangers des sièges. J'aurais souffert et pleuré bien des fois. Pour le culte de la vie, j'aurais donné mon corps sacré à tous, comme lui-même, et tout cela en vain. Cette fleur prodigieuse de l'Empire serait facilement cueillie par Alexander et Mamméa, ma sœur et le fils de ma sœur, alors que nous-mêmes en avons, pour la faire s'épanouir vertigineusement, arroser le plan sanglant à nos aurores et à nos couchers de soleil. » Haletante, Sémias explique à Attilius tout un projet de résistance effrénée. Un envahissement, de nuit, des appartements de Mamméa et d'Alexander, que des prétoriens gorgés d'or jetteraient aux bêtes. Ou bien leur empoisonnement foudroyant et un massacre général des conspirateurs traînés au Tibre par une populace saoulée de vin et de sang. Et elle le développe savamment, ce projet, en raffiné qui a dans les veines une ancestralité de crimes familiaux, et est, en su, aiguillonné par sa maternité. Mais Attilius branle la tête. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? À sauver le fils, à nous sauver nous-mêmes, à conserver l'Empire à la pierre noire qui va s'engloutir dans un désastre prochain. Tu n'as donc pas flairé les conspirations sourdant par le sol et bientôt éclatant comme un ouragan qui nous enlèvera tous? À quoi bon, si le monde se refuse à la pierre noire, si ton fils, impératrice, en salit déjà le symbole par des amusements d'enfants vicieux? Tu as sous la main tes prétoriens, et un de tes signes balayera cette nuit la conspiration. Tu ne veux donc pas sauver le fils, me sauver, sauver toi-même? Attilius se promène encore, attendri par cette mère qui, cependant, peut le casser comme un roseau, car elle contresigne les délibérations de l'empereur, et rien ne se fait de lui sans elle, et rien ne se fait sans elle par le Sénat, et nul dans l'Empire ne lui échappe. Mais il ne veut pas de ces massacres qui ne sauveront davantage la pierre noire et l'empereur que, par une aperception rapide, il voit déjà s'enfoncer dans le néant des choses disparues. Non, Domina, non, Clarissima, ces morts soulèveraient plus tard le peuple contre Elagabalus et toi. Si nous devons périr, eh bien le destin l'aura voulu. Tu n'aimes donc pas, tu n'as pas de fils, tu n'as pas d'entrailles, tu es sourd et aveugle, toi. Quel homme es-tu? Crie Sémias, et elle lui secoue le bras à effrayer. Et ta sœur périra avec, et toi avec, et ton madé avec. Elle a dit, et ton madé, croyant le toucher plus aiguement, avec, cependant, un sourd sentiment qui poigne son cœur comme un poignard. Mais Attilius détourne la tête. Non, non, à quoi bon? Et pourquoi? Elle peut, lui arrachant le primiceria, remettre en d'autres mains les forces prétoriennes et le faire jeter aux bêtes avec Attilia, avec Madé, puisqu'elle lui a parlé de Madé, mais il n'accomplira pas ses massacres. Il n'a la force de rien et ne désire que mourir. Mourir? S'exclama Sémias. Tu n'es pas homme, toi. Tu es tout cerveau ou tu es sans sexe. Et, se souvenant de cet amour qu'elle a eu pour lui en des moments qu'il ignore, elle a un sourire de mépris exaspéré. Attilius répond. Je suis homme, je le suis trop, mais d'une humanité dont tu ne comprends pas la vie et qui n'existe pas, mais qui existera. Leurs yeux se fouillent, à tirer leur âme au clair, comme l'eau d'un puits amenée au dehors, pendant que l'apaisement de la vieille espérance est à peine brisé par les déchirements des trompettes qui expirent au dehors. Alors elle se précipite sur Attilius, et, l'attirant de force à elle, sans qu'il se débatte, elle l'embrasse au front, au bord de ses cheveux châtains, en une folie qui secoue ses seins. « Vois-tu, tu vaux plus que moi, tu vaux plus que nous tous. Tu sauverais l'Empire si tu étais l'Empereur, et je serais ton épouse si tu voulais. Je ne vois pas la profondeur de tes pensées, car tu es trouble comme la nuit, et ta passion pour Madé m'affole, et je ne sais que penser de toi. Mais tu es fort, tu es victorieux de toi. Tu es vierge pour la femme, tu me domines. Ah, je voudrais retourner à Émesse, dans le paysage de tes jardins et des miens, et t'avoir avec moi, et, loin de Rome et du monde, vivre les jours anciens avec toi, Attilius, frère d'Attilia, amant de Madé, qui est un homme et appartient à une humanité qui n'existe pas, mais qui existera. Nous laisserons la conspiration grandir, et Mamméa rêver l'Empire, et la Gabalus le perdre. Agis comme tu le voudras. Si nous devons mourir, nous mourrons, et je serai satisfaite seulement de baiser encore tes cheveux, et de te voir mourir avec la mère de ton empereur, avec Attilia, avec ton Madé.